sur RQC 95 FM dans l'émission Telling You. Telling You, avec Marie et Francis. Vous aurez du blues, vous aurez du rock, vous aurez du blues rock. My pretty baby, she's the way I dream. Pretty little thing you ever did see. My baby knows how to dress so neat. Stop the traffic on the street. My pretty baby, she's so fine. Brought our sight. Chers auditeurs, bonsoir. Vous êtes bien sur RQC 95 FM dans l'émission Telling You. Avec moi, comme tous les jeudis, Francis aux manettes. Hey, bonsoir. Il fait chaud dans le studio, non ? Oui, il fait chaud. Et nous sommes seuls ce soir, Francis. Oui, pas d'invité. Non, pas d'invité pour aujourd'hui, mais dans 15 jours, nous aurons Patrick qui viendra nous présenter toute la programmation du Blue Blues Festival qui a lieu, comme tous les ans, à Ringueux. Et cette année, c'est le samedi 11 novembre. C'est un beau festival, ça. Ouais. Tous les ans, on se régale. Alors ce soir, Telling You vous proposera de découvrir la programmation de plusieurs lieux blues du coin. Le centre de Stegger de Menin, le café Brun qui se trouve à Leroux près de Namur, de l'espace Athéna qui se trouve à Saint-Solve près de Valenciennes et de la boîte à musique de Waterloo. She gave me the key through her door. Found my baby down New Orleans. Pretty little thing on the TV screen. Nous allons donc commencer avec le centre culturel de Stegger qui se trouve donc à Menin près de la bibliothèque. Alors je suppose que beaucoup d'éditeurs connaissent parce que ça fait pas mal d'années que ce centre programme du blues. C'est dans le bar de la salle de sport à côté de la bibliothèque. C'est un chouette lieu où il y a pas mal de places, pas mal de monde et surtout une belle programmation. Alors là, jusqu'à la fin de l'année, il y aura des guitaristes, puis un harmoniciste, puis un saxophoniste. Je commence avec Jim Schuller et Mike Morgan qui seront donc au centre culturel de Menin. So fine. I didn't even know your name, but you knew mine. I just wanna get to know you. Please give me some time. The way you look, the way you walk, could drive a man insane. I know it's not your fault. You're not to blame. I just wanna get to know you. Well, you got them crazy curves, and you're fine as you can be. You shine like a diamond. Oh, mercy, mercy me. I just wanna get to know you. I just wanna get to know you. I just wanna get to know you. Please give me some time. Jim Schuller et son ami Mike Morgan seront donc au Centre culturel de Steger de Menin le jeudi 19 octobre. Alors les concerts là-bas ont toujours lieu le jeudi. Ils commencent à 20h30. Jim Schuller et Mike Morgan seront également à la Bonne Source de Fleurus le dimanche 15 octobre. Un concert par mois pour le Centre de Steger. En novembre, vous pourrez y retrouver le très bon harmoniciste Paul Lamb que l'on écoute avec The King Snakes. Help me clap, cause can't do it by myself. Thank you. And you tempt me with your kisses, and you tease me with a smile. Well, if I could just get close to you, girl, I'd ask you the reasons why. Why you hurt me and make me feel this way? Well, why you wanna torture me now with every little sigh you give? Now I know she's not for real, but I can see her in my dreams. And baby, when you walk away, well, ain't it funny how the mind plays games? Paul Lamban de Kingsnakes, donc au Centre culturel de Steger de Menin le jeudi 9 novembre. Et ils seront également à l'affiche de la programmation de Blues en Or, puisqu'ils seront au Café Mon Oncle de Ploegsteert le vendredi 24 novembre. On continue avec le Centre culturel de Steger de Menin et en décembre, un saxophoniste, un très bon saxophoniste, Sax Gordon. Thank you. just for the thrill. Well, the sheriff might grab you, the cops might nab you, judge might give you the third degree. It ain't nothing like you'll get if you ever try to mess with me. Don't do it, baby. Sax Gordon et son band, donc le 7 décembre, jeudi 7 décembre, au Centre culturel de Steger à Menin, concert qui commence à 20h30. Alors attention, le Centre de Steger fonctionne par abonnement, donc il arrive qu'un concert soit sold out dès que les abonnements sont pris. Donc je vous conseille de donner un petit coup de fil avant de vous déplacer ou d'aller sur internet et de voir s'il reste encore des places disponibles pour les concerts au Centre culturel de Steger de Menin. Si vous ne pouvez pas voir Sax Gordon là-bas, ben vous pourrez aller le mardi 5 décembre au Croque-Notte à Martinsart, près de Seclin, dans le nord de la France, ou le vendredi 8 au Centre culturel d'Angie à Hermal-Souy, en Belgique cette fois-ci. Voici donc pour Sax Gordon et pour la programmation jusqu'à la fin de l'année 2017 pour le Centre culturel de Steger de Menin. On part en France, on va un peu plus loin puisqu'on va à Saint-Saulve près de Valenciennes pour retrouver l'Espace Athéna et toujours également une très belle programmation. Le 7 octobre, vous pourrez y retrouver l'excellent guitariste français Fred Chapelier qui sera sur scène avec son projet où il joue la musique de Peter Green, que voici. I got a black magic woman. I got a black magic woman. She's got me so blind, I can see that she's a black magic woman and she's trying to make a devil out of me. Don't turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. You're messing around with your tricks. I need you so bad. I want you, darling. Si vous aimez les guitaristes, je vous invite vraiment à vous rendre à l'Espace Athéna à Saint-Solve, près de Valenciennes, le 7 octobre. L'Espace Athéna qui propose également une nuit du blues, deux nuits pour cette édition 2017. Ce sera les 24 et 25 novembre avec deux belles affiches. Le 24, Arnaud Fradin et An Is Roots Combo. The Blues Bones, le groupe belge, est en tête d'affiche, Carl Wyatt. Alors on commence avec Arnaud Fradin, An Is Roots Combo. Voilà donc pour Arnaud Fradin and His Roots Combo qui ouvriront en douceur cette nuit du blues à l'Espace Athéna à Saint-Solve. On continue avec The Blues Bones. Ladies and gentlemen, we are now ready for the last band. From Belgium, The Blues Bones. There you go. So she would feel like a princess. I'll be your man. I'm gonna build her a castle with my two bands. So she can sit on the throne and rule my world. I'll be your servant if you be my lucky girl. If you be my lucky girl, baby. Représenter la Belgique à l'European Blues Challenge 2017 et ils seront sur la scène de l'Espace Athéna à Saint-Solve près de Valenciennes le vendredi 24 novembre, juste avant Carl Wyatt. Town. Come on, baby. You're driving me crazy. Better settle back down. Say it again, baby. You bug me, baby. Well, now you speak what you wait. It's gonna send me to my grave. I got no say. How you making me a slave? Well, I got both. And bruises all over my heart. The craziest never part. Come on, baby. You're driving me crazy. Better settle back down. Say it again, baby. You bug me, baby. We'll be right back. me to my grave. I got no say how you're making me a slave. Well, I got bumps and bruises all over my heart. Crazy as never we part. Come on, baby. You driving me crazy. Better settle back down. Say it again, baby. You bug me, baby. Carl Wyatt and the Delta Voodoo Kings clôtureront cette première nuit du blues de l'Espace Athéna à Saint-Saulve le vendredi 24 novembre. Trois groupes également pour le lendemain, samedi 25 novembre. Des Français, Rosdell, des Hollandais, Philby's Freedom et un Américain, Van Wilkes. On commence avec Rosdell. Me down as if I was a piece of meat, but you don't have anything I ever seen before. You wanna play with fire, but you couldn't take the heat. You shouldn't be so sad for sure. No, you shouldn't be. Charm on, but I can swear to God, you look hungry and then a starving dog. Yes, you do. Put your feet back on the ground, man. I don't want you around. Oh, to me as if I was a piece of me, but you don't have anything I haven't seen before. No, you don't. Put your feet back on the ground, man. I don't want you around. Can you hear me now? Rosdell est un groupe de blues rock fondé en 2016 par la chanteuse Amandine Rose et Charlie Faber, le guitariste, qui a officié entre autres auprès de Fred Chapelier. Leur musique est un mélange d'influences traditionnelles et modernes qui prend toute son ampleur sur scène, donc surtout ne les loupez pas le samedi 25 novembre. Ils ouvriront cette deuxième nuit du blues à l'Espace Athéna à Saint-Saulve. Viendront en plus les Hollandais après eux. Alors il s'agit de Philby's. Francis, je crois que tu connais le chanteur. Oui, c'est un hollandais, en tout cas, il vient des Pays-Bas. Moi, je l'ai vu à l'époque, c'était il y a bien 5-6 ans. Il était dans une formation, un très très bon groupe qui venait de là-bas, bien sûr, qui s'appelait King Mo, avec un excellent guitariste. Lui est un peu plus âgé par rapport au reste des musiciens. Bon, il avait, à mon avis, la quarantaine bien tassée, et les musiciens, eux, étaient des petits jeunes d'une 20-30 ans. Mais c'était un très bon groupe, King Mo, et Philby, franchement, il a une voix très agréable, très jolie, assez soul et blues. Il chante très bien, franchement, et là, c'est aussi quelqu'un à voir, et il sait s'entourer avec des bons musiciens, des virtuoses. Donc voici Philby's Freedom, Memphis Moon. Understand our love, I gotta read your mind. Sometimes sweet or rough, sure I can't deny. I feel the pain with you. I'll take you for a ride and make you feel brand new. I'm telling you, baby, you can lean on me. Give me your heart and I will set you free. I gotta hold on. La salle de l'Espace Athéna à Saint-Saulve jouit en plus d'une très bonne acoustique et vraiment on y passe des soirées très chaleureuses parce que entre deux concerts, les artistes viennent dans la salle où il y a un bar, il y a de quoi faire de la petite restauration. Et vraiment, hein, Francis, on est toujours content d'être là-bas. Oui, oui, oui. C'est une salle très conviviale, confortable. Oui. Au niveau son, excellent, franchement. Ouais. Avec... Et puis après, bon, le petit bière, le petit croque-monsieur. Il y a tout ce qu'il faut pour une très, très bonne soirée. Et une équipe organisatrice qui est très, très ouverte et très à l'écoute. Ce samedi 25, la tête d'affiche n'est autre que l'excellent guitariste américain Van Wilkes. On l'a vu hein, il y a peut-être un an ou deux maintenant au croque-notes à Martinsart. Ah oui, même plus que deux, je crois. Ouais, oui. Bon. Van Wilkes, je l'avais vu il y a très longtemps à Méricourt dans un festival. Je suis toujours restée en contact avec lui. Il m'envoie en général ses disques et je vais avoir. Ben, et en plus, quoi, voilà, comme beaucoup de musiciens qu'on peut croiser et aborder en concert, il est très gentil. Ouais, très sympathique. Ouais, très agréable. Il vient du Texas, voilà, mais c'est pas un gros bourrin américain. Non, non. Il est très gentil, Van Wilkes. Et il joue très bien de la guitare. On l'écoute. Give back my stolen glances. Et voilà, nous vous avons fait découvrir Van Wilkes. Il sera donc le samedi 25 novembre à la Nuit du Blues de Saint-Saulve, près de Valenciennes. Nous aurons bien sûr l'occasion de revenir sur ces dates de concert. Par contre, attention, les Nuits du Blues à Saint-Saulve peuvent se remplir très vite. Et si vous ne vous y prenez pas à l'avance, il sera peut-être trop tard. On revient en Belgique pour faire un petit tour au Café Brun qui se situe 47 rue Grande à Leroux près de Namur et qui est également donc un lieu qui propose une programmation blues. Le 8 octobre, vous pourrez y retrouver Carvin Jones Band. Vas-y Francis. Every morning and every night, me and my woman, we just fuss and fight. Every day it's the same old song. Me and my woman, we just can't get along. We got a difference of opinion. We just can't see eye to eye. We got a difference of opinion. Let me tell you the reason why. She won't cook my breakfast. She won't wash my clothes. Living with your baby sure is cold. I think about her both day and night. No matter, she just won't treat me right. We got a difference of opinion. We just can't see eye to eye. We got a difference of opinion. Let me tell you the reason why. She goes to the mall and shops all day. She comes straight home without a word to say. She drives the finest cars, fully loaded. She had a good job, but not a company folded. We got a difference of opinion. We just can't see eye to eye. We got a difference of opinion. Let me tell you. Just lean on each other for love and support. pas mal, hein, Francis. Bah oui, mais dommage que ce soit si loin. Ouais, quand même. Enfin, ouais. Namur, ça fait une trotte. Hein. Mais c'est bien. Donc c'était Calvin Jones. Calvin Jones. Oui. Dimanche 8 octobre à partir de 21h au Café Brun. Donc je répète, c'est à Leroux, rue Grande 47. C'est un bar vintage au décor éclectique qui propose une large gamme de bières spéciales et bien sûr qui a une scène rock, blues et également rockabilly. Les concerts sont au prix de 6 ou 14 euros, ça dépend les concerts. Et par contre, normalement c'est sur réservation parce qu'il n'y a que 75 places. Vous trouverez les informations forcément sur notre site piqueblues.fr, mais également sur le Facebook du Café Brun, donc à Leroux près de Namur. Après Calvin Jones, le dimanche 8 octobre, un concert festif avec nos amis des Shaggy Dogs. Ce sera le 13 octobre et ils nous interprètent maintenant Sin City. If you want to discover a really different town, but you will half wonder why not get you down. All kinds of creatures, booze and drugs, never get tired. Alors, chers auditeurs, attention, je me suis trompée. Les Shaggy Dogs ne seront pas le 13 octobre, mais le samedi 14 octobre à partir de 21h au Café Brun de Leroux, près de Namur. Puis le lendemain, le dimanche 15 octobre, Kyle Jester Band sera sur scène avec à la basse Renaud Le Cire. Yeah. And now, BB King. C'était donc live, vous l'avez entendu, Kyle Jester Band avec Renaud Le Cire à la basse, dimanche 10 octobre au Café Brun à Leroux, près de Namur. Et en plus, point de vue prix, si vous achetez les tickets en pré-vente, eh ben, il y a, comme à beaucoup d'endroits, une remise sur le prix d'entrée. Voici donc pour le Café Brun et on va terminer l'émission en France à la boîte à musique qui se trouve à Waterloo, rue Amédée Prouveau. Je le dis toujours là, juste de l'autre côté de la frontière. Alors ils nous font tous les ans au mois de mars une très belle programmation blues et puis maintenant au cours de l'année, il y a de temps en temps comme ça également un concert qui nous plaît, qui nous intéresse. Alors je vais commencer par vous dire que le concert de Watermelon Slim qui était prévu le 15 octobre est annulé. Donc à effacer de vos tablettes. Par contre, vous pourrez retrouver au mois de novembre The Norman Jackson Blues Band que l'on écoute sur It's the Drummer's Fault. Non, c'est pas ça. C'est quoi alors, Francis ? Le titre, c'est bien Norman Jackson Band, mais le titre, c'est Healthy Woman. Ah, alors, c'est Healthy Woman. Vas-y, Francis. When it comes to things to eat, her menu is always complete. Got me a healthy woman, meat on her bone, yeah. Got me a healthy woman, meat on her bone. When it comes to things to eat, her menu is complete. Listen, I got me a healthy woman, she healthy as can be. Always hit the scale at a buck 83. Got me a healthy woman, yeah. Meat on her bone, yeah, yeah. When it comes to things to eat, her menu is complete. Hey, fellas, listen. If you ain't got a healthy woman, you're making a big mistake. A healthy woman is juicier than a T-bone steak. Got me a healthy woman, meat on her bone. When it comes to things to eat, her menu is complete. But don't take saying how. Now I don't take the woman, skinny legs and all. I'm not a vegetarian old woman with meat on his bone. Got me healthy woman, woman, meat on the bone, yeah. When it comes to things to eat, her menu is complete. Oh, yeah. My fried chicken and my T-bone steak. I got some whipped cream for these cherry cakes. Got me a healthy woman, meat on her bone. Well, when it comes to things to eat, her menu is complete. Got me a healthy woman, meat on her bone. Got me a rock my world. She look good to me, yeah. So good to me, yeah. Right there by my side. I grab her, I love kissing her and holding her, squeezing her. Healthy, healthy, healthy, healthy, healthy, healthy, healthy, healthy, healthy, healthy, healthy, healthy woman, y'all. The Norman Jackson Band seront à la boîte à musique de Waterloo le dimanche 19 novembre. Le dimanche, les concerts commencent à 18h et toujours, ils sont au prix de 6 ou 9 euros. La boîte à musique, donc, c'est rue Amédée Prouveau à Waterloo. C'est aussi une chouette salle, alors totalement différente de l'espace Athéna dont on vous a parlé tout à l'heure, parce que là, c'est une petite salle, mais quoi, oui. 200, 250 personnes debout, assise, même peut-être pas assise. 200, ouais, peut-être ouais. Debout, oui, mais assis, quand il y a des chaises, c'est beaucoup moins. Oui. mais c'est des chaises. Ce n'est pas les beaux fauteuils de l'espace Athéna, non. C'est ce que tu me dis, Francis. Oui, mais on est quand même très proche des artistes. Ah oui, par contre, là, le oui. son est aussi bien travaillé. Si, si, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Puis quand la musique donne envie de bouger, ben on bouge les chaises et on bouge, ce n'est pas un problème. En général, oui, on préfère rester debout parce ouais. que ça remue bien à la boîte à musique. Et donc surtout, là, sur la musique de Norman Jackson Blues Band, hein, ça va donner envie de bouger, de danser. Apparemment, oui, ça a l'air de bien swinguer, pour ceux qui aiment swinguer. Dimanche 19 novembre à 18h, donc à la boîte à musique à Waterloo. Et alors, en octobre, un tout autre genre, le 27 octobre, je vous dirais que c'est un vendredi, donc le concert sera à 20h30, les Balkan Brothers. Oh ben, avant de parler d'eux, on va écouter ce que ça donne. Ouais, un tout autre genre. Un tout autre genre. Voici. Around us everywhere. We see violence every day. We see it on TV. We can't pick up the newspaper without reading about it. It is a violent society. Yeah. We'll be right back. you no good. Et je vous l'avais dit, totalement différent, les Balkan Brothers, c'est le power duo du Connecticut qui frappe fort. À la guitare, on retrouve Steve Balkans et à la batterie, Nick Balkans, puisque ce sont deux frères. Leur dernier album est sorti en 2017, là, chez Dixie Frog, dans la branche Borderline Blues. Il s'appelle Devil on TV et je viens de vous proposer Hey Kid. Tu en penses quoi, Francis ? Bah oui, ben on aime ça, hein. Ouais. Et on a hâte de les voir sur scène, en fait. Moi, j'aime quand c'est différent, quand même. Hein. Et celui-là, alors, le titre... la production est très travaillée, il y a des sons en plus, il y a de la distorsion, il y a des cuivres derrière. Oui, il y a des invités, là. Hein. Ouais. Un saxo sur un autre titre, trombone, sur encore un autre, il y a du violon. Le titre que je vous ai présenté était un petit mélange de moments plus doux et de moments plus péchus. Et celui qui vient maintenant est très fort. Voici Sleeping Stone. Balkan Brothers, là, c'était donc Sleeping Stone. Et alors, cet album que j'ai entre les mains, il se déplie dans tous les sens, voilà. Et j'ai remarqué, il est dédicacé, en fait. Il y a 7 personnes qui sont dédicacées. Et entre autres, il y a, voilà, les Balkan dédicacent leur nouveau disque à Lemmy Kilmister, à Jim Morrison, à Jimi Hendrix et Johnny Winter. Voilà, ils ont... Ils ont des goûts, comme vous le voyez, assez rock et rentre dedans avec Kilmister, et assez blues avec Johnny Winter, et puis assez torturé et poésie et le Jim Morrison, et puis de la guitare psychédélique et inventive de Jimi Hendrix. Voilà, Balcoon Brothers. Qui seront donc le vendredi 27 octobre à partir de 20h30 à la boîte à musique à Waterloo. Avant d'écouter un troisième titre de cet album, je vous rappelle, je vous dis que nous vous avons parlé de quatre lieux, mais nous aurions pu vous parler d'autres lieux, puisqu'il y a aussi le Croque-Note à Martinsart, le Banana Peel à Ruiselède, le Spirit of 66 à Verviers, le Queensland à Aubourdin, le De Corone, Blue Mazingham, la Maison de Jeunes de Sambreville à Tamines. Mais tous ces lieux, toutes ces dates de concert, vous pouvez les retrouver sur notre site picblues.fr. Et voilà. Alors, nous nous retrouverons la semaine prochaine, encore sans invité, mais pour pas mal de nouveautés. Hein, la semaine prochaine, on va laisser tomber les dates de concert et on parlera d'albums qu'on a reçus et dont on veut vous faire partager la découverte. Voilà. On termine donc avec Balcon Brothers. Leur album s'appelle Devin on TV. Ils seront le vendredi 27 octobre à la boîte à musique à Waterloo. Et je vous propose maintenant un petit boogie. Yard Goat Boogie. Bye. Et ça terminera votre soirée aussi parce que notre ami host n'est pas là non plus ce soir. Eh bien, on dit au revoir, chers auditeurs, à la semaine prochaine et on vous laisse avec Balcon Brothers. Ciao. gonna boogie all day. We gonna boogie right. We gonna boogie away. And do the yard go boogie. And do the yard go boogie. And do the yard go boogie. Do the yard go boogie.